Что мне жизнь, если ты оттолкнешь огненный крик заболевшей души? Твой строгий прославился великий шаг. Je te lance cette chanson pour que tu saches que tout va bien depuis que tu es là. La seule chose qui ne va pas, cette envie de t'embrasser jusqu'au fond de la gorge pour savoir la couleur de tes baisers. Ce que je veux te montrer, tant d'amour dans une voix, cette envie qui ne passe pas. Oh oui, tu peux rester depuis que tu es là-haut, tout va mieux. Ta présence me fait tant de bien que tu serais là tout le temps, que ça ne me dérangerait pas. Je t'aime plus que l'amour n'a jamais. De commencer le vent. La terre était sur les épaules d'une femme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La beauté des femmes écarte d'elle toutes les intelligences. Elle trouve le chemin de ton cœur avant que tes buts te tordent dans tes attitudes supérieures. À mon ami de Kiev, à mon amour de Kiev, je lance cette chanson pour que tu saches que tout va bien parce que tu es là. Yeah.